chargé d'exemples, tout genre de bizarre, plus alcool, vente de stupéfiants, etc. Au bout d'un temps, j'ai compris que ça allait mal finir. Faire la caïra, tenir les murs toute la journée, y'a pas d'avenir. Y'a forcément passage obligatoire devant le procureur. De quoi admirer l'architecture pénitentiaire de l'intérieur. Infliger la honte au rempart quand les portes débarquent le matin à 6h. Des mères en pleurs, des fils en tôle, partagés entre amertume et rancœur. Je supporterai mal que mon fils vienne me voir au parloir. Je supporterai encore moins que ma femme quitte. Et de ne plus le voir. J'ai pris exemple sur mon père qui se lève tous les matins pour aller vaillera. Je vais faire en sorte que mon gamin prenne exemple sur moi et fasse autre chose de sa vie que tourner en rond en se demandant pourquoi. C'est toujours le même constat. Quand je prenne les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sale sa paiement, c'est la merde. Quand je prenne les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sale sa paiement, c'est la merde. Je suis pas millionnaire, y'a peu de chances que je le devienne. Ce qui ne m'empêche pas d'être fier, les frères me comprennent. Ma vie de prolétaire, journée de taf entrecoupée par les prières et le sport. Pas de hiat, coque d'alcool, en bonne santé je reste. Je prie Allah pour que ça dure, cette vie est un test. Je donne une prose brutale ici, pas de bohème. J'en ai plus rien à foutre de pas avoir la dernière BM. J'ai vu trop de gars passer une cave à la cellule et tout perdre. Ça me ferait trop mal d'avoir espéré un allègement de peine. D'attendre les grades présidentielles ou je ne sais quelle autre merde. De compter les mois et les semaines pendant que nos élus se promènent. En étant coupable de trafic d'influence sans que ça pose problème à qui que ce soit. Alors comme d'autres je me prosterne en espérant que ça change. En espérant que le destin m'amène de bonnes choses. En sachant qu'une conséquence dépend d'une cause. Je prends les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sent sa paix, man, c'est la merde. Je prends les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sent sa paix, man, c'est la merde. Pour beaucoup, les rêves partent en fumée, dans des grottes de feuilles trop tassées. Je laisse montrer du doigt par une société aseptisée. Sans cesse dévalorisée, entassée dans les cités aux allures de maisons d'arrêt. Portrait dressé du ghetto français. Les sœurs demandent du respect, mais trop se comportent comme des taspés. Les hommes en uniforme patrouillent dans les quartiers, considèrent chaque résident comme suspect. Pour eux, le mot citoyen était remplacé depuis longtemps par ressortissants étrangers. Ce qui en ressort, une haine réciproque de part et d'autre qu'on ne cherche même plus à cacher. Les gros défoncés au cachet dans tout ce merdier cherchent à te saigner pour quelques billets. Des gars sur qui dans le temps pouvaient compter, de quoi être dégoûté. Les choses changent avec le temps, j'ai appris à méfier de ceux qui disent assalam alaikum et qui t'ouvrent la caisse un quart d'heure après. Je prends les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sent sa paix, man, c'est la merde. Je prends les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sent sa paix, man, c'est la merde. Je prends les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sent sa paix, man, c'est la merde. Faut que je prenne les choses en main, y'a plus de temps à perdre. Les jours passent trop vite, fils, déjà un pied dans la tombe. Demain c'est pas si loin, creuse la fosse, hier c'est dead. La roue tourne, ça sent sa paix, man, c'est la merde.